Identifiez le sujet d'une conversation. Exercice 4. Paul Deschamps? Tu te rappelles de moi? Jérôme. On était dans la même promo à l'université. Jérôme! Mais bien sûr. Oh, le monde est petit, hein. Ça fait déjà 5 ans depuis la fac. Mais qu'est-ce que tu deviens? Eh bien, j'ai trouvé un travail de commercial dans un laboratoire pharmaceutique. C'est très motivant. Il y a toujours des nouveaux défis. Je suis tout le temps en contact avec des personnes très différentes, des médecins, des pharmaciens, des clients. On me donne beaucoup de responsabilités. J'aime beaucoup ce que je fais. Et toi, Paul? Tu as vraiment de la chance. Moi, je travaille dans un supermarché. Je suis chef du rayon alimentation. J'ai l'impression de faire la même chose tous les jours. C'est vraiment ennuyeux. En plus, mon patron est très exigeant. Il n'est jamais content de rien, ni de personne. Alors, je commence à chercher du travail ailleurs. Par contre, bonne nouvelle, je vais me marier. Waouh ! Toutes mes félicitations !